Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. Audrey Caro en votre compagnie, bien sûr, pour passer la prochaine heure à parler d'arts visuels à Québec. Et c'est intéressant, je jasais l'autre jour avec une amie qui est une fidèle auditrice de l'émission. Hein. Elle nous suit sur le chemin du retour dans l'auto et elle me disait, crime, c'est le fun Audrey, on se rend compte que à Québec, finalement, en écoutant l'émission, on se rend compte qu'à Québec, il se passe beaucoup de choses en art visuel. Eh bien, c'est le cas, effectivement. Hein. On n'essaye pas de trouver des sujets pour boucher des trous, mais enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et c'est toujours un plaisir de vous savoir fidèle au poste. Alors, je te salue, chère amie, et merci de ce commentaire. Donc, on a une émission, comme toujours, des plus intéressantes, je pense, et on s'arrange toujours pour vous trouver des niches, des sujets les plus intéressants. Donc, on commence aujourd'hui. Bien sûr, j'ai ma collègue Andréane Lesage qui est venue la semaine dernière pour nous faire une première chronique à saveur préélectorale. Eh bien, aujourd'hui, elle nous revient, mais cette fois-ci, pour nous parler d'un artiste qui a choisi dans sa pratique artistique de s'immiscer dans la campagne électorale actuelle. Donc, on va découvrir le travail de Chris Lloyd avec elle dans quelques instants. Par la suite, je reçois Julien Saint-Georges, bien sûr, et Marie-Claire Tremblay, qui vont venir nous faire un petit retour sur les deux soirées de performance d'art nomade à Québec qui ont eu lieu jeudi et vendredi dernier. Par la suite, dans la deuxième portion d'émission, celle-ci va être consacrée aujourd'hui au métier d'art. La chroniqueuse Fanny Hénon-Lévy va venir nous parler de l'exposition Naked Craft, les métiers d'art mis à nu, présentés au Centre Materia. Et en dernière portion d'émission, je reçois bien sûr Valérie Bédard de la Maison des métiers d'art qui va nous parler d'un encan en ligne qui a lieu, qui est actuellement en cours et ce jusqu'au 21 octobre. Alors, restez à l'écoute pour tout savoir sur ces sujets. Simplement vous dire que si vous manquez une partie de l'émission ou que vous voulez les réécouter dans leur entièreté, elles sont en balado-diffusion, donc disponibles sur notre page web l'aérospatiale.wordpress.com. Donc oui, émission en balado diffusion, les actualités en art visuel, calendrier des événements, des billets parfois publiés par nos collaborateurs et aussi la sélection audio de Simon Roy. D'ailleurs, on s'en va justement écouter un premier extrait de cette sélection. Cette semaine, Simon nous propose, à vrai dire, un artiste qui s'appelle donc Massimo Ruberti et c'est intéressant parce qu'il nous transporte un peu dans les confins de l'univers et du cosmos, un peu à l'image de notre image visuelle, bien sûr, avec l'astronaute. Merci, Andréane, l'astronaute. Alors, on s'en va écouter un premier extrait qui s'appelle Lift Off et c'est de l'album Armstrong. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. Nine, zero, nine, J'ai avec moi en studio Andréanne Lesage. Bonsoir Andréanne. Bonsoir Audrey. Ça va bien? Oui, toi? Oui, oui, merci. Alors, deuxième chronique de deux, donc, sur la campagne électorale actuelle. Et cette semaine, donc, tu avais envie de nous parler d'un artiste qui a, ma foi, une pratique assez intéressante, une pratique qu'on pourrait dire infiltrante, en quelque sorte. Effectivement, ça serait le bon terme, infiltrante depuis peut-être les quatre dernières années, mais ça fait encore plus longtemps que ça, en fait, qu'il s'intéresse à la politique. C'est un artiste que vous avez peut-être déjà entendu, bon, le nom ou un peu la polémique qu'il y a eu justement autour là, de sa démarche au printemps dernier. Mais bon, comme je disais, ça remonte à plus loin que ça. Chris Lloyd, en fait, depuis qu'il est étudiant, s'intéresse à la politique canadienne. Donc, il est originaire de la Nouvelle-Écosse et il a gradué là, de, en fait, l'école d'art et design de la Nouvelle-Écosse en 1999. Et déjà, justement, il avait commencé à envoyer des lettres, mais des lettres manuscrites là, par la poste au premier ministre du Canada à cette époque-là. C'est une institution, d'ailleurs, d'enseignement qui est reconnue là, pour sa spécialité en art conceptuel. Donc, il a été vraiment formé, disons, dans cet esprit-là. Et à partir de 2001, il s'est vraiment parti un projet qui s'appelle Dear PM, pour premier ministre, donc, et qui consiste à envoyer quotidiennement des lettres par courriel au premier ministre du Canada. Ça fait donc 15 ans qu'il fait ça. Oui, donc c'est pas juste Stephen Harper qui a eu le droit de recevoir des lettres de l'artiste. Voilà, il y a eu Dear Jean, Dear Paul et maintenant Dear Stephen qui reçoivent pratiquement tous les jours donc leurs lettres qui sont toutes adressées sur un ton très personnel. C'est pratiquement un journal intime finalement là, dans lequel l'artiste se livre au premier ministre sur ses impressions par rapport à la politique, justement, fédérale, les prises de décision du gouvernement, sa vie aussi comme père de famille, comme artiste, les combats qu'il mène chaque jour, justement, pour survivre, pour nourrir la famille, pour trouver de l'emploi. Donc, il critique ouvertement le gouvernement dans ses lettres et d'ailleurs surtout le Parti conservateur pour lequel il n'a pas la moindre affection, je dirais, puisqu'il est en désaccord beaucoup là, avec leurs valeurs. Et ça, c'est dit ouvertement dans ses lettres, donc depuis que Stephen Harper est au pouvoir. Mais là, c'est intéressant ce que tu es en train de nous dire parce que, justement, la controverse dans laquelle il a été, controverse à mettre ici entre guillemets, là, parce qu'il s'est présenté comme candidat, je pense, il a réussi à infiltrer le Parti conservateur, si je ne m'abuse. Oui, voilà, ça, c'est le bout très intéressant de sa démarche, en fait, qui a évolué, puisqu'il y a 4 ans environ, il s'est présenté participant au Parti conservateur, finalement. Et de fil en aiguille, eh bien, il s'est tellement impliqué qu'il a été choisi comme représentant dans la circonscription de Papineau à Montréal. C'est la circonscription de Justin Trudeau aussi, donc le chef du Parti libéral. Et il a été choisi donc l'hiver dernier pour affronter Justin Trudeau aux prochaines élections. Peut-être que vous pouvez vous demander finalement qu'est-ce que ça prend pour se présenter comme ça, pour être élu candidat dans une circonscription. En fait, c'est tout simple. Il a dû recruter 25 noms et il a avoué d'emblée que ces 25 personnes-là n'étaient pas des partisanes du Parti conservateur, donc qui ont quand même signé une lettre. Et puisqu'il était le seul à se présenter, bien comme ça, il a été choisi, là, retenu finalement. OK. Donc, oui. Non, dans le fond, je voulais juste dire, c'est intéressant parce que dans le fond, il se présente dans un parti comme ça avec lequel il ne semble pas avoir du moins d'affinité du tout. Est-ce qu'on sait quelles étaient ses motivations par rapport à ça? Tout à fait. En fait, il les a même écrits directement au premier ministre dans ses lettres. C'était de semer la pagaille dans le Parti conservateur et par la suite de faire la fête. Donc, pour lui, c'était vraiment de finalement infiltrer l'ennemi carrément et pour de l'intérieur changer les choses aussi. Il y a vraiment une vision positive derrière tout ça qui est celle d'un changement. Bon, c'est un artiste qui critique notre mode électoral. Il trouve que c'est toujours les trois mêmes partis qui ont la chance d'accéder au pouvoir, que c'est pas, démocratique, c'est pas représentatif de la société canadienne non plus. Et il veut aussi montrer par sa démarche que les artistes peuvent s'impliquer en politique et pas seulement les avocats. Pour lui, c'est important que chacun ait une voix, finalement, et de différentes sphères là, sociales, cadres de métier, tout ça. Oui, et puis là, dans le fond, les médias se sont intéressés, ou du moins ont fait part au printemps dernier, je pense, de ses intentions qu'il ne cachait pas, je pense, non plus. Hein? Non, voilà, c'est qu'il a donné une conférence sur son projet artistique dans lequel il expliquait que sa candidature dans Papineau faisait partie d'une performance. D'accord. Et à ce moment-là, bien, le Parti conservateur a été informé de ça et lui a demandé de démissionner au mois de mai dernier. Okay. Donc, c'est là qu'il est passé là, à la télévision, dans les journaux, et qu'il a dû finalement revoir un peu son projet artistique. Oui. Et suite à ça, bien, il a décidé de s'impliquer, mais comme de se présenter comme candidat indépendant dans Papineau. Okay. Donc, vous pouvez toujours, si vous habitez cette circonscription-là, voter pour lui. Mm-hmm. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur son candidature, vous pouvez consulter son blog qui s'appelle certainlynotjustin.blogspot.ca. Donc, à cette adresse-là, vous avez les affiches de sa campagne que vous pouvez aussi acheter, qui aident à financer, finalement. Oui, il a fait une belle campagne de financement, là, sur de financement, socio-financement, finalement. Là. Oui, c'est ça, en proposant finalement des œuvres, puisque ce sont, bon, ces affiches, même des lettres de Dear PM que vous pouvez acheter, tout ça, tout dépend. Oui. Oui. Donc, voilà. Alors, c'est un artiste bien impliqué qui justement se présente. On verra qu'est-ce que ça donne lundi prochain. Oui, puis il est très présent aussi, je pense, sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez le suivre sur Facebook ou Twitter, j'avais vu que c'était... en tout cas, il est très, très présent. Il poste souvent des choses en ligne. Donc, on peut le suivre, j'imagine, aussi via les réseaux sociaux. Oui, facilement. Et son site personnel aussi, dearpm.blogspot.ca. Parfait. Aussi. Donc, excellent. Et puis, je pense qu'on aura même l'occasion de le voir ici à Québec. Voilà, oui, à partir du 27 novembre prochain, au lieu, c'est son projet Dear PM qui va être présenté. Donc, c'est une occasion à pas manquer parce que, justement, il a fait beaucoup parler de lui cette année. Il commence à être bien connu du milieu, tout ça. Et en plus, ben là, on va avoir passé les élections de lundi. Et vous aurez aussi un aperçu de d'autres projets qu'il a fait, notamment là, un projet qui s'appelle Everyday Goalie, donc qui présente un gardien de but canadien qui finalement fait des pauses d'arrêt un peu partout, les photographies donc à différents endroits. Vous avez aussi les fameuses lettres de Dear PM qui seront présentées et d'autres choses qui seront peut-être un peu à déterminer. Oui, on dévoilera pas tout quand même. Ben non plus, non. Donc, voilà. C'est au lieu à partir du 27 novembre. J'imagine qu'on aura l'occasion de revenir sur cette exposition-là à l'émission un peu plus tard. Oui. Eh bien, Andréane, je te remercie beaucoup d'avoir fait cette recherche pour nous et puis de nous avoir fait découvrir cet artiste donc à la démarche plus politisée et qui s'inscrit parce que j'ai sous les yeux ici, là, je m'étais amusé à aller voir sur son blog là, pour mettre de l'art et l'environnement au cœur de nos préoccupations pour une réforme électorale vers la représentation proportionnelle et etc. Donc, vous pouvez trouver les motivations là, de tout ça de l'artiste là-bas. Ouais. Très noble. Oui, en tout cas, j'ai bien hâte de voir les résultats et je sais qu'aussi, il y a un autre artiste dans cette même circonscription aussi qui se présente également, Kim Waldron, je pense. Donc, à voir, hein, peut-être, est-ce qu'on en aura d'autres aux prochaines campagnes électorales à suivre, mais merci beaucoup, Andréane, de nous avoir fait ce topo. Alors, nous, on retourne en pause musicale. On s'en va toujours écouter Massimo Ruberti. Et cette fois-ci, l'extrait est Burn. Depuis 2007, Art Nomade s'est instauré comme un important événement en performance au Québec, au même titre, si on peut dire, ou du moins encore, il y a encore des croûtes à manger, là, mais il faut dire que les rencontres d'art performance internationales, donc, qui sont tenues par le lieu à Québec, est quand même là depuis 30 ans, mais Art Nomade est une belle relève dans les événements de performance au Québec. Et c'est un événement qui a lieu à tous les deux ans à Chicoutimi, donc en collaboration avec le Centre Bagne. Et cet événement-là aussi comprend un volet réseau, donc qui se déploie un petit peu partout en province, notamment donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Gatineau, mais aussi en passant, on passe par Québec et Montréal et on a deux collaborateurs qui sont allés voir pour nous des soirées donc de Art Nomade à Québec. Une avait lieu jeudi dernier à Regard, à Lévis. Julien était allé la voir pour nous. Allô, Julien. Allô, bonjour. Donc, c'est ton baptême aujourd'hui. Ben oui, je suis tout énervé. Je pense que ça va bien aller. Oui. Et Marie-Claire, toi, tu es allée au lieu le vendredi dernier, donc le 9 octobre, exactement, pour voir Jeff Huckleberry et Anne Higueras. On va peut-être commencer faire un petit compte-rendu très rapide un peu de ce que vous avez vu. Peut-être, Julien, nous commençait à nous dire qui étaient les artistes bien et sûr. Ce qui s'est passé. Dans le fond, on a eu deux performances, c'est ça, jeudi dernier. La première de Ressusa del Bardo, j'espère que je le dis bien, qui vient d'Uruguay, qui habite maintenant au Chili. Sa performance, c'était Recherche Investigation 2. Dans le fond, elle a fait là-dedans comme en plusieurs étapes. Elle nous a premièrement proposé, en gros, la performance, c'était demander au public d'aller choisir un verre qu'elle avait déposé sur la table. Et elle nous demandait de choisir le verre en fonction d'admettons, quel verre tu choisirais si tu voulais mettre ton présent dans un verre ou tes émotions, la haine, il y avait les frustrations aussi, la mémoire. Donc, plein de concepts, d'idées, hein, c'était très abstrait, mais elle les remplissait avec quelque chose de concret, avec du jus d'orange, dans le fond. Fait qu'elle remplissait les verres qu'on choisissait, c'est ça. Elle se mettait sur un petit sac d'orange, justement, et enregistrait le son de ce versement-là. Et là, après, elle superposait tous les enregistrements de versement de jus d'orange. Et là, ça faisait comme une trame sonore. Ça a duré facilement 15-20 minutes environ. Et là, elle a fini, dans le fond, la performance en se mettant le sac d'orange sur la tête. Elle a coupé deux trous à l'aide d'un des participants. Et là, les oranges ont comme toutes tombé sur le sol. Et ça a comme clôturé la fin de la performance. C'est ça. Aussi, pendant la performance, on pouvait elle demandait des fois à certains participants si le participant voulait recevoir le verre d'une manière spéciale. Donc, elle a fait notamment un moonwalk. Elle a fait une révérence aussi. Et elle a même, à un moment donné, presque bu entièrement le verre. Participants. Donc, c'était assez participatif pour le public qui était là. Ah oui, vraiment. Elle essayait vraiment beaucoup de les inclure. Puis je pense que tout le monde a très bien réagi justement là-dessus. C'est-à-dire qu'on riait un petit peu, ou en tout cas, on était toujours, il y avait toujours des petites réactions à chaque fois qu'elle proposait remplir du présent, remplir de ses émotions. On disait, on comprenait une belle poésie, on pourrait dire, là, dans ce petit geste quotidien-là de remplir un verre. Parfait. Ouais. Et la deuxième performance, c'était de Simla Sivelek. Ouais, c'est ça. Elle vient de Turquie. Elle habite à Toronto depuis très longtemps. Puis on voyait qu'elle avait beaucoup d'expérience en performance. On sentait que dans sa présence, c'était beaucoup plus maîtrisée, on dirait, que Ressusa. Sa performance était blanc et noir, dans le fond, et elle, c'était plusieurs tableaux quotidiens qui avaient tous un lien ensemble, même si c'était pas nécessairement comme besoin d'avoir un ordre chronologique nécessairement. Elle a scanné du monde avec une antenne radio d'une petite radio. Dans le fond, elle a aussi, qu'est-ce que j'ai bien aimé là-dessus, c'est qu'à un moment donné, elle a pris des feuilles d'imprimante, et là, elle lisait la feuille blanche, finalement, qui avait aucun texte, mais là, elle regardait le spectateur en réagissant, comme si c'était le spectateur qui avait écrit quelque chose que on sait même pas c'est quoi, puis le spectateur ne savait même pas qu'est-ce qu'il avait écrit, mm-hmm. mais on sentait qu'il y avait une réaction sur le visage de Simla qui faisait « Ah, t'as écrit ça? Ben voyons donc. » Il y a comme... Elle jouait un petit peu là-dessus. Elle va le jouer aussi avec un sac de poubelle qu'elle s'est mis sur la tête, et là, après, elle a fait une petite chorégraphie, comme un petit peu robotique. C'est ça, tu sais, comme Marie-Claire, mm-hmm. tu ris, c'est ça. Il y avait quelque chose un petit peu... En tout cas, là-dessus, moi, j'ai bien aimé aussi. Il y avait quelque chose de très maîtrisé, même dans la chorégraphie. Un beau mouvement des mains, ah, oui. cette chorégraphie. Ouais, ah oui, vraiment. Là, elle prenait vraiment son temps pendant toute la performance, pour que ça soit bien clair, que les gestes soient bien précis. Et elle a fini finalement en faisant participer également le spectateur. Elle a pris un paquet de cartes. Les spectateurs choisissaient une carte. Elle a fait un numéro de téléphone avec les cartes. Donc, non, elle n'utilisait pas le valet ou le roi et tout. Et donc, elle a appelé au numéro de téléphone à la fin pour essayer de rejoindre les gens. Malheureusement, elle est tombée sur deux boîtes vocales. Malheureusement. Donc, en même temps, c'est intéressant parce qu'elle n'a pas rejoint les personnes au bout de la ligne qu'elle souhaitait peut-être rejoindre. Elle a tenté vraiment, puis sentait qu'elle était très déçue les deux fois qu'elle n'avait pas rejoint. Okay. Une tentative de relation, vraiment. D'accord, merci. Et toi, Marie-Claire, qu'est-ce qui s'est passé vendredi au lieu? Il y avait également deux performeurs. Oui, deux performeurs, mais aussi quand même, c'était la fête au lieu parce qu'il y avait trois lancements, en fait, un triple lancement des éditions Intervention, donc le nouveau numéro d'Inter, la publication RIAP, et il y avait une autre publication aussi d'un artiste qui s'appelle Jan Swidzinski. Pardon pour la prononciation. Mais donc, ça a débuté avec une Espagnole, Ana Higueras, en fait. Et donc, dans sa performance, on était beaucoup dans l'interaction avec les objets. Elle utilisait aussi des gens du public également. Et l'objet récurrent, c'était vraiment le ballon gonflé à l'hélium. Donc, une suite d'actions. Et puis, comment j'ai pris mes notes aussi, j'ai senti le besoin de vraiment expliquer chacune des étapes parce qu'on aurait dit que chacune des étapes découlait de l'une à l'autre comme d'une manière un peu logique. Donc, première action au départ, interaction avec des billes et un ballon. Elle laisse tomber les billes au sol, les ramasse. Elle écoute le son aussi produit par les billes dans le ballon. Ensuite, elle se délaisse un petit peu de cette scène-là et s'en va vraiment autour d'une forme conique blanche qui avait déjà été installée dans l'espace, qui était suspendue à des fils. Ça semblait fait de tissu, je crois. Au début, elle se place en dessous. Et finalement, elle enfile cette pièce-là, un peu comme on enfile une robe ou une jupe, détache les fils. Et là, vraiment, on se rend compte qu'il y avait des ballons en dessous. Okay. Et les ballons s'envolent au plafond, plafond du lieu, quand même assez haut. Ouais. Donc là, c'est la quête des ballons. OK, d'aller les chercher. Oui, exactement. Ah, okay. Et quête un petit peu... Bon, c'est un peu difficile parce qu'elle est handicapée quand même de cette énorme jupe qui est, ben je l'appelle la jupe, mais en fait, cette forme blanche-là, on sent qu'il y a un cerceau, même en métal, autour. Donc, vraiment, une énorme forme. Donc, elle saute et l'artiste est petite en plus. Donc, c'est un peu rigolo quand même. Elle demande à des gens de l'aider. Okay. Et donc, cette quête-là, ça se transforme en une quête de groupe, la courte échelle, pour aller trouver ces ballons-là. Il y a même un jeune garçon qui est impliqué, qui monte sur les épaules de l'artiste. Donc, beaucoup d'efforts, le public est amusé. Et ensuite, autre tableau, maintenant qu'elle a les ballons, elle place les garçons en ligne au mur et ils sont quatre, leur donne un ballon, mais le changement de couleur. Sous le ballon blanc qu'elle fait exploser, il y a un ballon rouge qu'elle dégonfle. Mmh. Et là, chacun des garçons, c'est les quatre des garçons. Alors, on peut se demander justement s'il y a une signification aussi là-dedans. Elle les a choisis parmi la foule, effectivement. Donc, et les garçons placent ces ballons-là entre les genoux. Et vraiment, elle les aide à crever, justement, les ballons. Donc, comme un test. Ensuite, autre étape, vraiment, ballon ou sur leurs doigts. Mm-hmm. Et finalement, le résultat de ça, c'est qu'on obtient un message, si on veut. Sur un des ballons, par exemple, on va lire « Meilleure chance la prochaine fois ». Un autre ballon, elle va le faire exploser avec un téléphone mobile. Donc là, j'ai pas tout à fait compris, mais je comprenais que ça voulait englober, finalement, le téléphone mobile. Et puis, la deuxième performance, vraiment autre univers complètement, performance physique, axée sur l'effort, voire même la souffrance. Et là, vraiment, avec Jeff Okerberry, on crée un autre contexte. Mm-hmm. Au départ, il étend ses outils sur le sol. Il y a aussi un système sonore, donc l'amplificateur qui est là, les fils. Et ces outils, c'est vraiment des bâtons de bois attachés après des cordes. Donc, il y a tout ça. L'artiste est habillé aussi comme un peintre, tout en blanc. Il porte une ceinture aussi étrange. Et donc, tout au long de la performance, on a un background sonore très fort parce qu'il fait des expérimentations. Il va frotter le micro, par exemple, par terre. Il va faire traîner le micro à travers les outils pour obtenir toutes sortes de sons également. La peinture est présente. Parfois, il va s'avider sur la tête. Il va même en prendre une gorgée. Et l'action finale, peut-être l'action la plus importante, c'est que littéralement, si je résume, là, il va passer au travers d'un madrier. Donc, okay. Il y a un énorme madrier au sol. À un moment donné, il va scier ce madrier-là. Mm-hmm. Et ça se passe dans la souffrance aussi. Là. Ça se passe sous la couverte souvent. Donc, il va vraiment sortir la scie à main, scier ce madrier-là, le clouer les extrémités, l'écarter et passer littéralement au travers. Donc, quelque chose d'assez très physique. Où le corps est, c'est ça, le corps est très très impliqué. Oui. Là. Ouais, mm-hmm. Effectivement. OK. Mm. Ah, ben intéressant parce que là on a eu des, je pense, un bel aperçu de ces performances là, mais aussi on peut voir que la sélection était intéressante. On avait une belle variété de performances, certaines plus conceptuelles, d'autres plus physiques, donc assez intéressant. J'ai vu des photos sur Facebook dans le fond là, de vous tapez Art Nomade sur la page Facebook, et j'ai vu justement là, quelques photos là, du passage du madrier. Là. Oui. Ça a de l'air épique. Ça a l'air vraiment quelque chose quand même. Oui, ça semblait quand même souffrant. L'artiste est d'une certaine corpulence, et vous imaginez l'espace qu'on a dans le madrier, ce qui est à peine 20 cm. Okay. Donc, c'est pour ça finalement qu'il avait sa ceinture, je crois, autour du corps. Donc, il y avait cet aspect-là, puis en même temps, je frissonnais, parce que ce bois-là, coupé un peu rough, ben il aurait pu aussi... s'écorcher la peau. Donc, il y avait tout ça qui était senti aussi dans le regard de l'artiste, dans sa sueur qui se mêlait à la peinture. Okay. Donc, c'était très fort, vraiment. Grosse expérience. Bien, écoutez, vraiment, on voit que vous avez apprécié vos soirées. Merci beaucoup. C'est déjà le temps, malheureusement. On n'a pas le temps de s'en parler plus, mais on va mettre sur la page de l'émission le lien pour aller voir des photos ou des vidéos également là, soit de cette soirée-là ou des performances des artistes à Art Nomade, le volet principal qui avait lieu à Chicoutimi. Alors, merci beaucoup d'avoir été à cette soirée-là pour nous, puis nous l'avoir si bien rendu. C'est un plaisir. Super. Nous, on fait une courte pause et on vous revient pour la deuxième demi-heure de l'émission. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Venez danser sur les rythmes des chauffeurs à pied, sur le son électro-trad d'Olivier Soucy et sur les beats techno de DJ Millimétrique, tout en suivant les pas dictés par le caleur Jean-François Berthiaume. Jeune et moins jeune, novice et expérimenté, entrez dans la danse à l'occasion d'un bal électro-trad. La rencontre de ces deux univers est très prometteuse. Venez nombreux, l'entrée est libre. Le samedi 24 octobre à 19h30, édifice Denis Giguère. Le samedi 5 décembre à 19h30, Centre communautaire Fernand Dufour. Détails au www.cvpv.net. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. La Ligue québécoise d'impro BD, c'est un match unique où prouesse théâtrale côtoie coup de crayon inspiré. Des équipes composées de dessinateurs et d'improvisateurs s'affrontent au fil de matchs endiablés, surprenants et surtout divertissants. Découvrez l'impro BD lors de notre prochain match, le dimanche 11 novembre 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, entrée 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information liquibd.com. Rebienvenue à cette deuxième partie de l'émission de l'aérospatiale. J'ai avec moi Fanny Hénon-Lévy. Bonsoir Fanny. Salut Audrey. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Oui. Alors, tu as été voir pour nous une exposition qui est en cours depuis quelques temps, mais qui reste encore un bon moment pour aller la voir. C'est l'exposition Naked Craft, les métiers d'art mis à nu au Centre Materia. Et je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire, là. Oui, je dois te dire que je pense que c'est une exposition exceptionnelle, mm-hmm. puis c'est un incontournable de la rentrée. C'est une exposition donc comme son nom l'indique, on parle des métiers d'art mis à nu, qui est organisé par le réseau Naked Craft, qui est un collectif international de chercheurs, conservateurs et autres spécialistes des métiers d'art. C'est des recherches du réseau des métiers d'art menées sur quatre ans dans deux pays. Donc on a une correspondance, j'ai envie de dire même un dialogue, mm-hmm. Canada, Écosse, qui ont servi à produire deux résidences, trois symposiums, une exposition itinéraire dont on parle là ce soir, mm-hmm. et une publication qui a souligné parce qu'elle est très très bien faite et okay. les textes sont vraiment intéressants. Ils développent notamment, vous le retrouvez dans la publication, mais c'est aussi le fil conducteur de l'exposition et ces thématiques-là qui finalement lient ces 20 artistes présentés. Donc on a quatre sous-thèmes qui mm-hmm. sont les nouvelles positions des métiers d'art. Alors ils jouent un petit peu avec ce terme-là, ils s'amusent, on parle de position à la fois coquine, ils font un rapprochement dans la publication entre la position sexuelle, mais le fait que les métiers d'art sont devenus glamour, ils sont sexy. Ah oui. Donc on va y revenir, la politique des matériaux, le fait vous-même. Donc mm-hmm. do it yourself et qui parle qu'on est vraiment dans l'artisanat, on est dans le fait main, dans le retour aussi aux traditions. Oui. Et évidemment les nouvelles technologies sont aussi saluées et l'économie dans les métiers d'art. Donc tu vois que dans ces quatre sous-thèmes ça ratisse large. Oui. on est vraiment, et donc les artistes qui ont été choisis, chacun pose un regard sur des thématiques différentes. Ce qui est extraordinaire dans cette exposition, c'est qu'on a 20 regards éclectiques. On a autant au niveau technique qu'au niveau artistique. Parfois on est aux limites des arts visuels, mm-hmm. Très souvent d'ailleurs on tombe carrément dans les arts visuels avec le savoir-faire métier d'art. Et puis on l'a dit, donc on est dans la tradition et la continuité, et en même temps cette exposition là elle nous donne à voir des idées émergentes et un changement dans la discipline. Donc c'est ça qui est vraiment pertinent, c'est que cette mutation qui à la fois est toujours reliée et à un patrimoine culturel, et c'est là où c'est intéressant d'avoir des artistes de deux pays. Oui. Puis c'est pas pour rien, l'Écosse et le Canada sont aussi liés par leur histoire, donc il y a quelque chose qui est tricoté serré là. Mm-hmm. C'est des pays nord de leur nordicité à tous les deux aussi, leur paysage aride. Donc les métiers d'art sont étroitement liés au patrimoine, à la tradition, et en même temps on revisite, on détourne, on s'amuse avec les matériaux, on en fait. Je pense notamment à Amélie Proux qui est une artiste multidisciplinaire de Québec qui nous propose Paysage sismographique 3, qui est une œuvre en mouvement activée par un microcontrôleur. Donc on a des fines pièces de fleurs en porcelaine montées sur tige, et quand le balancement s'active, hop, ça cligne, ça va, t'as l'impression que tout va se casser la gueule, que tout va tomber, et en fait tout se tient, et on est dans la fragilité, on est dans le déséquilibre, dans la légèreté, dans l'épure aussi. On est vraiment encore une fois dans les arts visuels, mm-hmm. mais aussi dans les métiers d'art, parce qu'il y a un savoir-faire extraordinaire. Mm-hmm. Un de mes coups de cœur, je dois le dire aussi, c'est Clint Neufeld, qui est un artiste d'origine originaire de Saskatchewan, qui détourne Alors qui présente des moteurs de camions, des moteurs c'est ça qui normalement sont grossiers, c'est pas spécialement esthétique un moteur. Mm-hmm. Sauf que lui il les fait en porcelaine dans des couleurs acidulées, posées sur un petit coussin lui aussi en porcelaine, très très bien exécuté. T'as vraiment l'objet muséal par excellence, et c'est tout est puis il en fait une œuvre d'art et il nous met à distance de cet mm-hmm. objet, de cet objet-là qui est normalement un objet usuel. Oui, puis je pense aussi qu'il l'a paré de petites fleurs ou du moins d'un petit motif. Exactement, il l'a féminisé, il l'a coquettisé, si on peut le dire de cette manière-là. Moi j'y vois. Alors lui, il dit je ne mets pas de texte autour de mon travail parce que je veux que je pense que le texte va toujours influencer d'une manière ou d'une autre le spectateur. Donc mm-hmm. je laisse le spectateur décider. Et moi mon regard c'est une critique aussi de nous les hommes de notre société qui est attaché à ses moteurs, à ses mécanismes, on est non seulement attaché mais on est dépendant aussi de tout ce qui est mécanique. Puis là rendre cet objet là précieux et finalement lui enlever son utilité, mm-hmm. j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme détournement. Puis enfin un des coups de cœur, puis qui elle a aussi la vedette sur l'affiche de l'exposition si vous avez l'occasion de la voir, c'est Amanda McCavour qui nous propose une série, un projet qui s'appelle Boxes, qui est aussi très intéressant. Alors là, le procédé est exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle tisse et coud d'après des lignes d'un dessin. Mm-hmm. Elle coud son tissu, donc, et c'est un tissu qui est soluble dans l'eau. Donc elle plonge ensuite son tissu dans l'eau qui va s'effriter et va donner cette texture-là de fragilité. Il ne reste finalement que les fils et que les motifs. J'aurais dû commencer par ça. Elle fabrique des boîtes, boîtes à partir de boîtes à fruits qu'on trouve dans les grandes surfaces, qu'on voit très colorées avec des fruits, des inscriptions, etc. Et elle se réapproprie ça et elle les fabrique elle. En objet hyper précieux dans lequel on mettrait même pas on n'oserait pas rien mettre. Bon, alors ce qui est intéressant quand on lit un peu sa démarche, c'est que ce projet là elle a déménagé, d'accord, et quand elle a déménagé elle s'est servie de boîtes de fruits, mm-hmm. ce qui l'a inspirée, puis elle a transporté ses affaires maintes et maintes fois là dedans et donc elle a repris ces boîtes là en les transformant en œuvre d'art, en se les réappropriant elle aussi par un procédé qui est quand même assez nouveau et ça parle de transit, de voyage, de déménagement, et puis il y a une opposition évidemment entre la couture, la broderie, puis l'objet fabriqué en série que la boîte de fruits représente. Donc c'est un échantillon de trois artistes, mais il y en a 20 et c'est incontournable. Allez voir cette exposition, c'est exceptionnel. C'est ça. Donc on sent l'intérêt et la passion qu'a suscité cette exposition pour toi, et aussi c'est plaisant qu'il y ait ce catalogue là. Je l'ai vu, j'ai pas eu l'occasion de le feuilleter, mais je sais que c'était un gros comme tu l'as bien expliqué là, un gros projet, le Naked Craft, tout ce réseau. Là. Donc, en quelque sorte, oui, une expo à voir, mais aussi une expo qui permettrait aussi de mieux appréhender et de donner un regard juste sur les métiers d'art actuels, à la fois Canada-Écosse, là, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis c'est une exposition qui a été avant Québec en Ontario, mais qui part à Halifax, puis en Écosse. C'est quand même on a la chance d'avoir une exposition qui s'arrête à Québec. Et non pas à Montréal, là on va rentrer dans les petites guéguerres, mais on est quand même ravis de l'accueillir, puis c'est ça, c'est à voir. Super. Et puis, c'est jusqu'à quand qu'on peut voir cette exposition-là? Je pense que c'est jusqu'au 28 novembre. C'est ça, donc. Ah oui, je l'ai ici, 29 novembre. Exactement. Eh bien, vous l'avez entendu, Fanny vous le dit, allez la voir, ça vaut la peine. Moi aussi, je lui ai jeté un petit coup d'œil très rapide, mais il y a une belle variété. Moi, c'est ce qui m'a surpris, la variété, la diversité des œuvres qui étaient présentées. Donc, un détour obligé par Materia d'ici le 29 novembre. Alors, Fanny, un immense merci. Ça et on se revoit bientôt. À bientôt. L'extrait qu'on vient d'entendre est Earth de Massimo Ruberti. On poursuit cette deuxième demi-heure qui est dédiée aux métiers d'art et du 7 au 21 octobre, la Maison des métiers d'art de Québec tient en ligne un encan et j'étais curieuse d'en apprendre un peu plus à ce sujet et j'ai le plaisir de parler en ligne à Valérie Bédard, responsable des communications de la Maison des métiers d'art de Québec. Bonsoir Valérie. Bonsoir Audrey. Alors, bien justement, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cet encan qui a lieu actuellement. Et puis, je pense que tout ça commence à partir d'un important don que la Maison des métiers d'art a reçu. Oui, tout à fait. Alors, l'an dernier, nous avons eu la chance de recevoir un don d'une personne qui était vraiment extérieure à nous. Elle avait reçu une invitation de notre part à contribuer à une autre campagne bénéfice pour faire des dons, pour obtenir des livres pour notre centre de documentation. Mm-hmm. Et elle avait un très grand nombre d'objets à léguer, finalement. C'était une collection. La personne collectionnait les objets d'art, le mobilier, les antiquités. Elle en avait une maison remplie et avait fait déjà des donations à des musées. Donc, il restait des pièces qui étaient non muséales, qui étaient très intéressantes du point de vue des métiers d'art et qu'elle nous a offertes vraiment gracieusement. Donc, ça a été le début de ce projet-là. OK. Et puis, je pense que c'est l'encan qui se tient actuellement est une deuxième partie parce que j'ai cru voir qu'il y en avait eu un premier au mois de mai. Est-ce exact? Oui, nous avons tenu le premier encan le 17 mai. C'était au pied du Cap Blanc et c'était en présence. Donc, les gens étaient invités à participer à un événement bénéfice et à miser sur des objets que l'on présentait sous forme d'exposition. Cette fois-ci, la formule est différente. Il y a quand même possibilité de voir les pièces en présence, donc en réalité, en papier, en cuir, en bois, dans une salle de montre. Ça, c'est le 16 octobre de 9h à 15h dans nos murs, donc à la Maison des métiers d'art de Québec. On invite tout simplement les gens à se présenter à l'accueil et à venir au troisième étage. On va leur montrer où se situe l'exposition. Et ensuite de ça, la mise, elle, se fait par Internet. C'est le site encanquebec.com, encan au pluriel. Et c'est là que les gens vont pouvoir miser et on voit là, graduellement les mises augmenter au fur et à mesure que l'activité se déroule. On a, en fait, jusqu'au 21 octobre pour faire nos mises. Voilà. OK. Et puis, moi, j'étais curieuse de savoir quel genre d'objet qu'on va pouvoir retrouver à cet encan. Oui. Donc, la donation, c'était très varié. On a des objets de haute valeur comme des objets qui sont plus du quotidien, mais qui sont très intéressants par leur âge et leur bon état. On a des fauteuils style Louis XIV. On a de la poterie Maastricht des Pays-Bas, des tapis orientaux. On en a une belle variété, de la vaisselle de Limoges. Donc, en tout, on a 38 lots en ligne. On a des classeurs, on a des livres rares. Je pourrais vous donner quelques détails tout à l'heure, des légumiers en porcelaine. Donc, c'est vraiment des objets qui ont été faits selon la tradition, mais à une époque, en 1900, où on commençait à avoir des petites séries sur le marché, et c'était des objets de valeur à l'époque. Donc, encore de très très bien conservés aussi. Donc, des très beaux objets là, pour les collectionneurs qui les recherchent, effectivement. Et puis, je sais que les profits vont de cette vente-là vont servir à la Maison des métiers d'art, hein? Oui, tout à fait. En fait, ils vont servir directement aux artisans de la relève ou ceux qui sont en formation. La Maison des métiers d'art offre une formation en céramique, en sculpture et en textile. C'est un diplôme d'études collégiales. On a aussi tout un volet pour le grand public. Et le tout, c'est de mettre accessible à tout le bassin possible là, de population qui fréquente nos services, des équipements, vraiment de renouveler nos équipements, mais aussi de suivre le rythme finalement de l'évolution là, des techniques et d'offrir des bons services. Notamment, nous avons souvent les anciens diplômés, les personnes qui viennent de diplômer, en fait, ont accès durant un an à nos équipements, à tout notre parc d'équipements gratuitement, sous dépôt d'un projet. Donc, ça leur donne un bon coup de pouce lorsqu'ils démarrent leurs ateliers. Donc, ils ont accès vraiment à une expertise, le soutien des techniciens encore, les professeurs qui restent dans leur entourage, et pour offrir des espaces, pour offrir des postes de travail, des équipements. L'Encamp Bénéfice peut vraiment venir soutenir la relève. On fait aussi du soutien à la diffusion. Souvent, les personnes qui commencent dans le domaine vont se greffer à des belles expositions collectives et nous en produisons quelques-unes par année. Oui, et puis je connais quelques personnes justement qui ont fréquenté la Maison des métiers d'art et qui étaient très heureux d'avoir ce soutien justement après avoir diplômé. Là, c'était un gros coup de pouce pour eux. Donc, en même temps, comme vous le dites, de contribuer à acheter une œuvre d'art à l'Encamp, c'est contribuer au soutien direct des artistes. Oui, tout à fait. Ça va directement le plus possible dans des actions concrètes pour eux. Voilà. Je ne sais pas si on a encore du temps à l'antenne. J'aurais aimé vous décrire peut-être quelques objets. On a encore peut-être deux minutes pour s'en parler. Allez-y. Oui. Alors, dans le fond, nous avons notamment une paire de fauteuils sculptés d'apparat qui est très, très sculpté, très intense et très, très beau, qui appartenait à l'artiste peintre Ozias Leduc, qui a vécu de 1864 à 1955. La paire de fauteuils est accompagnée d'une lettre de sa femme qui atteste que ces pièces étaient en sa possession. On a aussi, entre autres, deux collections complètes des Bénézites de 14 tombes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Bénézites, c'était le dictionnaire de référence des peintres, des sculpteurs, dessinateurs et graveurs. D'accord. Donc, au niveau de l'histoire de l'art, là, c'est une édition qui est assez rare, particulièrement rare, en très, très bonne condition. Donc, on a vraiment des choses variées comme ça. Puis les gens de notre entourage aussi, parce que les lots sont quand même accessibles. On peut commencer à un prix plancher à 40 $ et ça monte, mais dans le fond, il y a quand même une bonne panoplie d'objets qui sont accessibles, donc pour tous les prix, pour toutes les bourses, jusqu'à des choses qui sont très rares et qui vont peut-être partir plus à des mises plus élevées. Mais vraiment, là, on invite chaleureusement les amateurs d'art, de beaux objets, des antiquaires, les collectionneurs, mais aussi à partager l'information. Si vous voulez plus d'informations aussi, tout est en ligne via notre site internet mmaq.com. Donc, vraiment, pour soutenir la relève en études d'art, c'est une belle action qu'on peut poser ensemble, mais en même temps qui nous donne un objet qui fait partie de notre patrimoine, qui laisse une trace. Donc, Eh bien, c'est parfait. J'espère que cet appel va être entendu par tous nos auditeurs et amateurs aussi, là, donc de beaux objets et d'objets à caractère historique et patrimonial. Donc, on invite les gens à aller à l'exposition, donc des pièces qui sont mises à l'encan. Vous aviez signalé donc le 16 octobre de 9h à 15h et c'est à la salle 307, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Parfait. Et les gens, rappeler aux gens qu'ils ont jusqu'au 21 octobre pour miser en ligne sur le site de Encan Québec. Eh bien, Madame Bédard, merci beaucoup de nous avoir parlé de cet Encan et on vous souhaite tout un succès pour l'événement. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Alors, nous, on fait une brève pause et je vous reviens de l'autre côté avec les événements et le calendrier en art visuel de la semaine. On va terminer l'émission, bien sûr, avec, comme je le disais, les événements, un rappel des événements et des expositions de la semaine. Ce vendredi, deux vernissages à l'affiche, un à la bande vidéo pour l'exposition Le géant de l'anglo-pulp de Samuel Breton, c'est à 17h. Également, à l'espace Galerie Sherpa sur le boulevard Charest, vous avez l'exposition À travers mon corps étranger de notre collaboratrice Fanny Hénon-Lévy qu'on a eu l'opportunité d'entendre un peu plus tôt. Donc, le vernissage est ce vendredi de 17h à 19h. Sinon, ce dimanche, vernissage d'Harold Klunder à la Galerie Michel Guimont. C'est à compter de 13h. Et aussi, vous rappelez que c'est la dernière semaine pour voir l'exposition de passage à la salle d'exposition du pavillon Desjardins, où on peut voir les œuvres de Audrey Demers-Roberge, Sarah Booth et également aussi Héloïse Plamondon-Pagé. Donc, ça se termine ce samedi. Simplement vous rappeler que toutes les informations discutées au cours de l'émission, également la sélection audio de Simon Roy qui était cette semaine Massimo Ruberti, et vous pourrez trouver ça très facilement sur notre page l'aérospatiale ckrl.wordpress.com. Je remercie mon invité Valérie Bédard de la Maison des métiers d'art, mais aussi mes collaborateurs Simon Roy, Andréanne Lesage, Julien Saint-Georges, Marie-Claire Tremblay et Fanny Hénon Lévy. Toujours à la mise en onde de Jacques Gignac, je te salue, et aussi une petite salutation à ma comparse de l'émission, Jean-Tiane La France. Je vous laisse entre les mains de Pierre Blais et de son émission Situation critique. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, même heure, même poste. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com. CKRL. Québec. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Venez danser sur les rythmes des chauffeurs à pied, sur le son électrotrad d'Olivier Soucy et sur les beats techno de DJ Millimétrique, tout en suivant les pas dictés par le caleur Jean-François Berthiaume. Jeune et moins jeune, novice et expérimenté, entrez dans la danse à l'occasion d'un bal électrotrad.